بسم الله الرحمن الرحيم نخوض اليوم المسألة 86 86 مسألة في قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا dans le sens où Allah dit et sortez c'est-à-dire pour le combat en étant léger en étant lourd c'est-à-dire en toute situation sur le Tawba verset 41 قال المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآية الكريمة تدل على لزوم الخروج للجهاد في سبيل الله على كل حال وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين يجدون ما ينفقون حرج الآية وقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة Donc ce noble verset laisse apparaître que la sortie pour le djihad sur le sentier d'Allah Azzawajal doit se faire en toute situation, quoi qu'il en soit, quelle que soit ta situation. Et d'autres versets démontrent le contraire de cela, dans le sens où Allah dit qu'il n'y a pas de grief sur les faibles ou sur les malades qui ne trouvent pas de quoi dépenser, c'est-à-dire pour aller combattre. Surat Tawbah, verset 91. Également sa parole dans le sens où il dit et qu'il ne revient pas, que tous les mu'minoun ne doivent pas tous partir, c'est-à-dire pour aller combattre. Lorsqu'un combat, bien sûr, doit être dans s'engager de façon légitime et légiférée, bien sûr. Là, si on parle d'exemple. Sur le Tawbah, verset 122. قال الجواب أن آية انفروا خفافا وثقالا منسوخة بآية العذر المذكورة. Donc le verset là, c'est quoi la réponse? C'est que le verset de sortir en toute situation a été abrogé par les versets de l'excuse. Les versets qu'on a cités auparavant. C'est-à-dire celui qui est excusé n'a pas à sortir. N'a pas à les combattre. Et ça, قال وذا الموضوع من أمثلة ما نسخ فيه الناصر. Ça, c'est l'exemple dans lequel un verset qui était abrogeant est lui-même devenu abrogé. لماذا؟ لأن قوله انفروا خفافا وثقالا ناسخ لآية الإعراض عن المشركين وهو منسوخ بآية العذر كما ذكرنا آنفا والعلم عند الله تعالى. Car ce verset-là qui dit de sortir en cette situation, lui-même était un verset qui abrogeait un autre verset dans lequel on devait se détourner des mushrikines, c'est-à-dire ne rien leur faire. Ça, c'était à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque les musulmans étaient affaiblis. Donc le verset là, après, de sortir en toute situation, est venu abroger le fait de les délaisser. Et ce verset qui lui-même est abrogeant, a été abrogé par le verset du fait que ceux qui ne peuvent sortir, qui n'ont pas les moyens ou capacités, n'ont pas à sortir. Naam. Donc la science auprès d'Allah Azza wa Jal, ou bien à hadal kod naktafi, subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ah, on précise que ça, c'est le dernier verset de surat Tawbah et qu'après on va passer dans surat Yunus, Inch'Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin.